Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il a exaucé ma voix et mes supplications. Car il a incliné son oreille vers moi, c'est pourquoi je l'invoquerai durant mes jours. Les cordeaux de la mort m'avaient environné, et les détresses du sépulcre m'avaient rencontré, j'avais rencontré la détresse et l'ennui. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel, en disant, je te prie, ô Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est pitoyable et juste, et notre Dieu fait miséricorde. L'Éternel garde les simples, j'étais devenu misérable, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne en ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Parce que tu as mis à couvert mon âme de la mort, mes yeux de pleurs, et mes pieds de chute. Je marcherai en la présence de l'Éternel dans la terre des vivants. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, j'ai été fort affligé. Je disais en ma précipitation, tout homme est menteur. Que rendrai-je à l'Éternel? Tous ses bienfaits sont sur moi. Je prendrai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je rendrai maintenant mes vœux à l'Éternel, devant tout son peuple. Toute sorte de mort des bien-aimés de l'Éternel est précieuse devant ses yeux. Oui, ô Éternel, car je suis ton serviteur, je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as délié mes liens. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je rendrai maintenant mes vœux à l'Éternel, devant tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel.